Psaume 8. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Gittit. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre, vu que tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. De la bouche des petits-enfants, et de ceux qui têtent, tu as fondé ta force, à cause de tes adversaires, afin de faire cesser l'ennemi et le vindicatif. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as arrangées. Je dis, qu'est-ce que de l'homme, que tu te souviennes de lui, et du fils de l'homme, que tu le visites? Car tu l'as fait un peu moindre que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi dominateur sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis et les bœufs sans réserve, même les bêtes des champs, les oiseaux des cieux, et les poissons de la mer, ceux qui traversent par les sentiers de la mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre.